Question 7. Je remplace une roue crevée par une roue de secours dite galette. Je peux rouler à allure normale. Oui, réponse A. Non, réponse B.